Les Confessions de saint Augustin, mort au 1864. Livre 11e, La création et le temps. Il demande à Dieu l'intelligence des Écritures, il cherche à expliquer les premières paroles de la Genèse, dans le principe Dieu fit le ciel et la terre, il répond à cette question. Que faisait Dieu avant la création du monde? Point de temps avant la création. Qu'est-ce que le temps? Quelle est la mesure du temps? Chapitre 1er. La confession de nos misères dilate notre amour. Et quoi ce que je vous dis? L'ignorez-vous donc, ô Dieu, possesseur de l'éternité, l'ignorez-vous, ou avez-vous besoin du temps, pour voir ce qui se passe dans le temps? Pourquoi donc vous présentez le cours et la suite de tant de choses, non pour vous les apprendre, sans doute, mais pour susciter vers vous dans mon cœur et dans les cœurs qui me liront de nouvelles flammes, afin qu'un seul cri s'élève? Le Seigneur est grand et infiniment digne de louange. Psaume 95, 4. Je l'ai dit, et je le dis encore, c'est l'amour de votre amour qui m'a suggéré cette pensée. Nous prions, et cependant la vérité nous dit, votre Père sait ce qu'il vous faut, avant même que vous lui demandiez rien. Matthieu 6, 8. Ainsi la confession de nos misères et de vos miséricordes dilate notre amour pour vous, elle appelle sur nous cette grâce qui doit consommer notre délivrance et nous sortir de nous-mêmes, ces jours de malheur, pour nous faire entrer en vous, souveraine béatitude. Car vous nous avez appelés à la pauvreté volontaire, à la douceur, à la faim et à la soif de la justice, à l'amour des larmes, et de la compassion, et de la pureté intérieure, et de la paix, Matthieu 5, 3 à 9. Et je vous ai tout raconté, suivant mes forces et ma volonté, car vous avez voulu le premier que j'élevasse jusqu'à vous, Seigneur mon Dieu, les louanges de votre bonté et de vos miséricordes éternelles, Psaume 117, 1. Chapitre 2. Il demande à Dieu l'intelligence des Écritures. Et ma plume serait-elle un organe capable de publier par quelles inspirations, quelles cinq terreurs, par quelles consolations, quelles secrètes conduites vous m'avez amené au ministère de votre parole et à la dispensation de vos sacrements? Et puis, eussé-je la force d'être un narrateur fidèle, chaque goutte de temps me coûte si cher. Et depuis longtemps je brûle de méditer votre loi, et de vous confesser à cet égard mes lumières et mon ignorance, les premiers reflets de vos rayons, et la lutte des ténèbres qui règnent encore dans mon âme, jusqu'à ce que ma faiblesse soit absorbée par votre force. Et je ne veux pas répandre sur d'autres soins les heures de loisir que me laissent les besoins de la nature, le délassement nécessaire de l'esprit, et le service que nous devons aux hommes, ou que nous leur rendons sans leur devoir. Seigneur mon Dieu, prêtez l'oreille à ma prière, qu'est votre clémence exauce mon désir. Ce n'est pas pour moi seul que ce cœur palpite, il se passionne encore pour l'intérêt de ses frères. Et vous voyez dans ce cœur qu'il est ainsi. Ô que je vous offre en sacrifice ce servage de pensée et de parole dont je suis redevable, et donnez-moi de quoi vous offrir. Je suis indigent et pauvre, Psaume 85, 1, et vous êtes riche, et vous versez vos libéralités sur tous ceux qui vous invoquent, Romains 10, 12, ô vous dont la providence ne trouble pas la sécurité. Retranchez en moi tout témérité, tout mensonge, par la circoncision du cœur et des lèvres. Que vos écritures soient mes chasses délices. Que je n'y trouve ni à m'égarer, ni à égarer les autres. Voyez, Seigneur, ayez pitié, Seigneur mon Dieu, lumière des aveugles, Vertu des faibles, encore leur lumière et leur vertu, quand ils ont recouvré la vue et la force, voyez mon âme, entendez ces cris du fond de l'abîme. Car, là même, si vous n'y êtes pas aux écoutes, où adresser nos pas et nos cris? À vous est le jour, à vous est la nuit, psaume 73, 16. D'un coup d'œil, vous réglez le vol des moments. Faites-moi largesse de temps pour méditer les secrets de votre loi, ne la fermez pas à ceux qui frappent, car ce n'est pas en vain que vous avez dicté tant de pages mystérieuses. Forêts sacrées, n'ont-elles pas aussi leurs cerfs qui se retirent, s'abritent, courent, se reposent, paissent et ruminent sous leur ombre? Seigneur, amenez-moi à votre perfection, révélez-moi ces mystères. Ô votre parole est ma joie, votre voix m'est plus douce que le charme des voluptés. Donnez-moi ce que j'aime, votre voix est mon amour, et vous m'avez donné de l'aimer. Ne soyez pas infidèles à vos dons, ne dédaignez pas votre pauvre plante que la soif dévore. Que je proclame à votre gloire toutes mes découvertes dans vos saints livres. Que j'écoute la voix de vos louanges. Psaume 25, 7. Que je m'enivre de vous, en considérant les merveilles de votre loi, depuis ce jour premier-né des jours où vous avez fait le ciel et la terre, jusqu'à notre avènement au royaume de votre cité sainte. Seigneur, ayez pitié de moi, exaucez mes vœux. Rien de la terre, je crois, n'est leur objet, ni l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses, ni le luxe, ni les honneurs, ni la puissance, ni les plaisirs de la chair, ni les besoins qui nous suivent dans le trajet de la vie. Toute chose d'ailleurs donnée par surcroît à qui cherche votre royaume et votre justice. Matthieu 6, 33. Voyez, Seigneur mon Dieu, où s'élance mon désir. Les impies m'ont raconté leur ivresse, mais qu'est-ce auprès de votre loi, Seigneur? Et voilà où mes vœux aspirent. Voyez, ô Père, regardez, voyez et agréez, que sous l'œil propice de votre miséricorde, je frappe à la porte de vos paroles saintes, et que la grâce m'ouvre leur sanctuaire. Je vous en conjure par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, l'homme de votre droite, Fils de l'homme, que vous vous êtes fait. Psaume 79, 18, médiateur entre vous et nous, par qui vous nous avez cherchés, quand nous n'étions plus en quête de vous, afin que cette sollicitude réveillât la nôtre. Je vous en conjure, au nom de votre Verbe, par qui vous avez fait toutes vos créatures, dont je suis, au nom de votre Fils unique, par qui vous avez appelé à l'adoption le peuple des croyants, dont je suis encore, au nom de celui qui est assis à votre droite et y intercède pour nous, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, 3. C'est lui que je cherche dans vos livres saints. Moïse a écrit de lui, Jean 5, 46. C'est lui-même, c'est la vérité, qui l'a dit. Chapitre 3. Il implore la vérité, qui a parlé par Moïse. Ô que j'entende, que je comprenne comment, dans le principe, vous avez créé le ciel et la terre. Genèse 1, 1. Moïse l'a écrit, il l'a écrit et s'en est allé, il a passé outre, allant de vous à vous, et il n'est plus là devant moi. Que n'est-il encore ici-bas? Je m'attacherai à lui, et je le supplierai, et je le conjurerai en votre nom de me dévoiler ses mystères. Et j'ouvrirai une oreille aride aux accents de ses lèvres. S'il me répondait dans la langue des bêtes, ce ne serait qu'un vain bruit qui frapperait mon organe, sans faire impression à mon esprit, s'il me parlait dans la mienne, je l'entendrais, mais d'où saurais-je qu'il me dirait la vérité et, quand je le saurais-je de lui? Non, ce serait au-dedans de moi, dans la plus secrète résidence de ma pensée, que la vérité même, qui n'est ni hébraïque, ni grecque, ni latine, ni barbare, parlant sans organe, sans voix, sans murmure de syllabes, me dirait. Il dit vrai, et aussitôt, dans une pleine certitude, je dirai à ce saint serviteur, « Tu dis vrai. » Mais je ne puis l'interroger, c'est donc vous, ô vérité dont il était plein, c'est vous, mon Dieu, que j'implore, oubliez mes offenses, et ce que vous avez donné d'écrire à votre grand prophète, ô donnez-moi de l'entendre. Chapitre 4. Le ciel et la terre nous crient qu'ils ont été créés. Et voilà donc le ciel et la terre. Ils sont. Ils crient qu'ils ont été faits, car ils varient et changent. Or ce qui est, sans avoir été créé, n'a rien en soi qui précédemment n'ait point été, caractère propre du changement et de la vicissitude. Et ils ne se sont pas faits, leur voix nous crie. C'est parce que nous avons été faits que nous sommes, nous n'étions donc pas, avant d'être, pour nous faire nous-mêmes. L'évidence est leur voix. Vous les avez donc créés, Seigneur, vous êtes beaux, et ils sont beaux, vous êtes bons, et ils sont bons, vous êtes, et ils sont. Mais ils n'ont ni la beauté, ni la bonté, ni l'être de la même manière que vous, ô Créateur, car, auprès de vous, ils n'ont ni beauté, ni bonté, ni être. Nous savons cela grâce à vous, et notre science, comparée à la vôtre, n'est qu'ignorance. Chapitre 5. L'univers créé de rien. Comment donc avez-vous fait le ciel et la terre? Et quelle machine avez-vous appliquée à cette construction sublime? L'artiste modèle un corps sur un autre, suivant la fantaisie de l'âme qui a la puissance de réaliser l'idéal que l'œil intérieur lui découvre en elle. Et d'où lui viendrait ce pouvoir, si elle-même n'était votre ouvrage? L'artisan façonne une matière préexistante, ayant en soi de quoi devenir ce qu'il l'a fait, comme la terre, la pierre, le bois ou l'or, etc. Et d'où ces objets tiennent-ils leur être, si vous n'en êtes le créateur? C'est vous qui avez créé le corps de l'ouvrier, et l'esprit qui commande à ses organes, vous êtes l'auteur de cette matière qu'il travaille, de cette intelligence qui conçoit l'art, et voit en elle ce qu'elle veut produire au dehors. De ces sens interprètes fidèles qui font passer dans l'ouvrage les conceptions de l'âme, et rapportent à l'âme ce qui s'est accompli, afin qu'elle consulte la vérité, juge intérieur, sur la valeur de l'ouvrage. Toutes ces créatures vous glorifient, et vous proclament le Créateur du monde. Mais vous, comment les avez-vous faites? Comment avez-vous fait le ciel et la terre? Ô Dieu, ce n'est ni sur la terre, ni dans le ciel, que vous avez fait le ciel et la terre, ni dans les airs, ni dans les eaux qui en dépendent. Ce n'est pas dans l'univers que vous avez créé l'univers, où pouvait-il être, pour être créé, avant d'être créé pour être? Et vous n'aviez rien aux mains qui vous fût matière du ciel et de la terre. Et d'où vous serait venue cette même matière, que vous n'eussiez pas créée pour en former votre ouvrage? Que dire, enfin, sinon que cela est, parce que vous êtes. Et vous avez parlé, et cela fut, et votre seule parole a tout fait. Psaume 32, 9, 6. Chapitre 6. Comment Dieu a parlé? Mais quelle a été cette parole? S'est-elle formée comme cette voix descendue de la nue? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu 3, 17, 17, 5. Cette voix retentit et passe, elle commence et finit, ses syllabes résonnent et s'évanouissent, la seconde après la première, la troisième après la seconde, ainsi de suite, jusqu'à la dernière, et le silence après elle. Il est donc évident et clair que cette voix fut l'expression d'une créature, organe temporel de votre éternelle volonté. Et l'oreille extérieure transmet ces paroles, formées dans le temps, à l'âme intelligente dont l'oreille intérieure s'approche de votre verbe éternel. Et l'âme a comparé ses accents fugitifs à l'éternité silencieuse de votre verbe, et elle s'est dit, « Quelle différence les uns sont infiniment au-dessous de moi, ils ne sont même pas, car ils fuient, car ils passent, mais au-dessus de moi, le verbe de mon Dieu demeure éternellement. » 1 Pierre 1, 25. Que si vous avez commandé par des paroles passagères comme leur sont l'existence du ciel et de la terre, si c'est ainsi que vous les avez fait, il y avait donc déjà, avant le ciel et la terre, quelques créatures corporelles, dont l'acte mesuré par le temps fit vibrer cette voix dans la mesure du temps. Or, nulle substance corporelle n'était avant le ciel et la terre, ou, s'il en existait une, il faut reconnaître que vous aviez formé sans paroles successives l'être qui devait articuler votre commandement, que le ciel et la terre soient. Car cet organe de vos desseins, quel qu'il fût, ne pouvait être, si vous ne l'eussiez fait. Or, pour produire le corps dont ces paroles devaient sortir, de quelles paroles vous êtes-vous servi? Chapitre 7. Le Verbe divin, Fils de Dieu, coéternel au Père. Vous nous appelez donc plus haut, vous nous appelez à l'intelligence du Verbe Dieu, Dieu en vous, Verbe qui se prononce et prononce tout de toute éternité, parole sans fin, sans succession, sans écoulement, qui dit éternellement, et tout à la fois, toute chose. Autrement le temps et la vicissitude seraient en vous, et, dès lors, plus de véritable éternité, plus de véritable immortalité. C'est ainsi, je le sais, mon Dieu, et grâce à vous. Je le sais, et vous bénis, Seigneur, et, avec moi, quiconque n'a pas un cœur ingrat au bienfait éclatant de votre lumière. Nous savons, Seigneur, nous savons que, n'être plus ce qu'on était, qu'être ce qu'on n'était pas, c'est là naître et mourir. Aussi, rien en votre verbe ne passe, rien ne succède, parce qu'il est immortel, parce qu'il est éternel en vérité. Et c'est par ce verbe, coéternel avec vous, que vous dites, de toute éternité, et tout à la fois, tout ce que vous dites, et qu'il est ainsi que vous dites. Et votre parole est votre seule action, et néanmoins ce n'est ni tout à la fois, ni de toute éternité, que s'est accomplie l'œuvre de votre parole. Chapitre 8. Le Verbe éternel est notre unique maître. Et comment cela, Seigneur mon Dieu? J'entrevois bien quelque chose, mais comment l'exprimer je l'ignore. N'est-ce point que tout être qui commence et finit, ne commence et ne finit d'être que temps ou la raison, en qui rien ne finit, rien ne commence, la raison éternelle connaît qu'il doit commencer ou finir? Et, cette raison, c'est votre verbe, le principe de tout, la voix intérieure qui nous parle, Jean 8, 25, comme lui-même l'a dit dans l'Évangile par la voix de la chair, comme il l'a fait entendre humainement à l'oreille des hommes, afin que l'on crût en lui, qu'on le cherchât intérieurement, et qu'on le trouvât dans l'éternelle vérité. Où ce bon, cet unique maître des âmes enseigne tous ses disciples. C'est là, Seigneur, que j'entends votre voix me dire, que la vraie parole est celle qui nous enseigne, et que la parole qui n'enseigne pas, n'est plus une parole. Or, qui nous enseigne, sinon l'immuable vérité, car la créature changeante ne nous instruit qu'en tant qu'elle nous amène à cette vérité stable, notre lumière, notre appui, notre joie, la voix de l'époux. Jean 3, 29, qui nous réunit à notre principe. Et il est ce principe, et sans son immuable permanence nous ne saurions revenir de nos égarements. Or, quand nous revenons de l'erreur, c'est la connaissance qui nous ramène, et il nous enseigne cette connaissance, parce qu'il est le principe et la voix qui nous parle. Chapitre 9. Le Verbe parle à notre cœur. C'est dans ce principe, ô Dieu, que vous avez fait le ciel et la terre. C'est dans votre Verbe, votre Fils, votre vertu, votre sagesse, votre vérité, par une parole, par une opération admirable. Qui pourra comprendre cette merveille? Qui pourra la raconter? Quelle est cette lumière qui par intervalle m'éclaire, et frappe mon cœur sans le blesser, le glace d'épouvante, et l'embrasse d'amour? Épouvante, en tant que je suis si loin, amour, en tant que je suis plus près d'elle. C'est la sagesse elle-même, dont le rayon déchire par intervalle les nuages de mon âme, qui, souvent infidèle à cette lumière, retombe dans ses ténèbres, sous le fardeau de son supplice, car ma détresse a épuisé mes forces. Psaume 30, 2. Je suis incapable même de porter mon bonheur, tant que votre pitié, Seigneur, secourable à mes iniquités, n'aura pas guéri toutes mes langueurs. Mais vous rachèterez ma vie de la corruption, vous me couronnerez de compassion et de miséricorde, vous rassasirez de vos biens tout mon désir, et ma jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. Psaume 102, 3 à 5. Car l'espérance est notre salut, et nous attendons vos promesses en patience. Romains 8, 24, 25. Entendant soi qui pourra votre parole intérieure, moi je m'écris, sur la foi de votre oracle, que vos œuvres sont glorieuses. Seigneur, vous avez tout fait dans votre sagesse. Psaume 103, 24. Elle est le principe, et c'est dans ce principe que vous avez créé le ciel et la terre. Chapitre 10. La volonté de Dieu n'a pas de commencement. Ne sont-ils pas tous remplis des ruines de leur vétusté, ceux qui nous disent, que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre? S'il demeurait dans l'inaction, pourquoi en est-il sorti? Pourquoi y est-il rentré? S'il s'est accompli en Dieu un acte nouveau, une volonté nouvelle, pour donner l'être à une créature qui n'était pas sortie du néant, est-il une éternité vraie, là où naît, une volonté qui n'était pas? Car la volonté de Dieu n'est pas la créature. Elle est antérieure à la créature. Nulle création sans préexistence de la volonté créatrice. La volonté de Dieu appartient donc à sa substance. Que s'il est survenu dans la substance divine quelque chose de nouveau, on ne peut plus en vérité la dire éternelle. Et si Dieu a voulu de toute éternité l'existence de la créature, pourquoi, elle aussi, n'est-elle pas éternelle? Chapitre 11. Le temps ne saurait être la mesure de l'éternité. Ceux qui parlent ainsi ne vous comprennent pas encore, ô sagesse de Dieu lumière des esprits, ils ne comprennent pas comment vous créez, en vous, et par vous-même, et ils aspirent à la science de votre éternité. Mais leur cœur flotte sur les vagues du passé et de l'avenir, à la merci de la vanité. Qui l'arrêtera, ce cœur? Qui le fixera pour qu'il s'ouvre stable un instant, à l'intuition des splendeurs de l'immobile éternité, qui la compare à la mobilité des temps, et trouve toute comparaison impossible? Qu'il ne voit dans la durée qu'une succession de mouvements qui ne peuvent se développer à la fois, observant, au contraire, que rien de l'éternité ne passe, et qu'elle demeure toute présente, tandis qu'il n'est point de temps qui soit tout entier présent, car l'avenir suit le passé qu'il chasse devant lui, et tout passé, tout avenir tient son être et son cours de l'éternité toujours présente. Qui fixera le cœur de l'homme, afin qu'il demeure et considère comment ce qui demeure, comment l'éternité, jamais passée, jamais future, dispose du passé et de l'avenir? Est-ce ma main, est-ce ma parole, la main de mon esprit, qui aurait cette puissance? Chapitre 12. Ce que Dieu faisait avant la création du monde. Et je réponds à cette demande, que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre? Je réponds, non comme celui qui éluda, dit-on, les assauts d'une telle question par cette plaisanterie, Dieu préparait des supplices aux sondeurs de mystère. Rire n'est pas répondre. Et je ne réponds pas ainsi. Et j'aimerais mieux confesser mon ignorance, que d'appeler la raillerie sur une demande profonde, et l'éloge sur une réponse ridicule. Mais je dis, ô mon Dieu, que, vous êtes le Père de toute créature. Et s'il faut entendre toute créature par ses noms du ciel et de la terre, je le déclare hautement, avant de créer le ciel et la terre, Dieu ne faisait rien. Car ce qu'il eût pu faire alors, ne saurait être que créature. Ô que n'ai-je la connaissance de tout ce qu'il m'importe de connaître, comme je sais que la créature n'était pas avant la création. Chapitre 13. Point de temps avant la création. Un esprit léger s'élance déjà peut-être dans un passé de siècles imaginaires, et s'étonne que le Tout-Puissant, Créateur et conservateur du monde, l'architecte du ciel et de la terre, et laisser couler un océan d'âge infini sans entreprendre ce grand ouvrage. Qu'il sorte de son sommeil, et considère l'inanité de son étonnement. Car d'où serait venu ce cours de siècles sans nombre dont vous n'eussiez pas été l'auteur, vous, l'auteur et le fondateur des siècles? Quel temps eût pu être, sans votre institution? Et comment se fût-il écoulé, ce temps qui n'eût pu être? Puisque vous êtes l'artisan de tous les temps, si l'on suppose quelque temps avant que vous eussiez créé le ciel et la terre, pourquoi donc prétendre que vous demeuriez dans l'inaction? Car ce temps même était votre ouvrage, et nul temps n'a pu courir avant que vous eussiez fait le temps. Que si avant le ciel et la terre il n'était point de temps, pourquoi demander ce que vous faisiez alors? Car, où le temps n'était pas, alors ne pouvait être. Et ce n'est point par le temps que vous précédez les temps, autrement vous ne seriez pas avant tous les temps. Mais vous précédez les temps passés par l'éminence de votre éternité toujours présente, vous dominez les temps à venir, parce qu'ils sont à venir, et qu'aussitôt venus, ils seront passés. Et vous, vous êtes toujours le même, et vos années ne s'évanouissent point. Psaume 101, 28. Vos années ne vont ni ne viennent, et les nôtres vont et viennent afin d'arriver toutes. Vos années demeurent toutes à la fois, parce qu'elles demeurent. Elles ne se chassent pas pour se succéder, parce qu'elles ne passent pas. Et les nôtres ne seront toutes, que lorsque toutes auront cessé d'être. Vos années ne sont qu'un jour, et ce jour est sans semaine, il est aujourd'hui, et votre aujourd'hui ne cède pas au lendemain, il ne succède pas à la veille. Votre aujourd'hui, c'est l'éternité. Ainsi vous avez engendré coéternel à vous-même celui à qui vous avez dit, « Je t'ai engendré aujourd'hui », psaume 2, 7, Hébreux 5, 7. Vous avez fait tous les temps, et vous êtes avant tous les temps, et il ne fut pas de temps où le temps n'était pas. Chapitre 14. Qu'est-ce que le temps ? Il n'y a donc pas eu de temps où vous n'ayez rien fait, puisque vous aviez déjà fait le temps. Et nul temps ne vous est coéternel, car vous demeurez, et si le temps demeurait, il cesserait d'être temps. Qu'est-ce donc que le temps ? Qui pourra le dire clairement et en peu de mots ? Qui pourra le saisir même par la pensée, pour traduire cette conception en paroles ? Quoi de plus connu ? Quoi de plus familièrement présent à nos entretiens que le temps? Et quand nous en parlons, nous concevons ce que nous disons, et nous concevons ce qu'on nous dit quand on nous en parle. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais, si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Et pourtant j'affirme hardiment que si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils, puisque le passé n'est plus, et que l'avenir n'est pas encore? Pour le présent, s'il était toujours présent sans voler au passé, il ne serait plus temps, il serait l'éternité. Si donc le présent, pour être temps, doit s'en aller en passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit, qui ne peut être qu'à la condition de n'être plus? Et peut-on dire, en vérité, que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être pas? Chapitre 15. Quelle est la mesure du temps? Et cependant nous disons qu'un temps est long et qu'un temps est court, et nous ne le disons que du passé et de l'avenir, ainsi, par exemple, 100 ans passés, 100 ans à venir, voilà ce que nous appelons longtemps, et, peu de temps, 10 jours écoulés, 10 jours à attendre. Mais comment peut être long ou court ce qui n'est pas car le passé n'est plus? Et l'avenir n'est pas encore. Cessons donc de dire, ce temps est long, disons du passé, il a été long, et, il sera long, de l'avenir. Seigneur mon Dieu, ma lumière, votre vérité ne se moquera-t-elle pas de l'homme qui parle ainsi? Car ce long passé, est-ce quand il était déjà passé qu'il a été long, ou quand il était encore présent? En effet, il n'a pu être long que tant qu'il fut quelque chose qui put être long. Mais, passé, il n'était déjà plus, et comment pouvait-il être long, lui qui n'avait plus d'être? Ne disons plus donc, le passé a été long, car nous ne retrouverons pas ce qui a été long, puisque du moment où il passe, il n'est plus. Disons, ce temps présent a été long, car il était long en tant que présent. Il ne s'était pas encore écoulé au non-être, il était donc quelque chose qui pouvait être long. Mais aussitôt qu'il a passé, aussitôt il a cessé d'être long, en cessant d'être. Voyons donc, ô âme de l'homme, si le temps présent peut être long, car tu as reçu la faculté de concevoir et de mesurer ses pauses. Que vas-tu me répondre? Et saint longtemps que centaine est présente. Vois d'abord si centaine est peuvent être présentes. Est-ce la première qui s'accomplit elle seule est présente? Les 90, 9 autres sont à venir, et, partant, ne sont pas encore. Est-ce la seconde? Il en est une déjà passée, une présente. Le reste est futur. Ainsi de toute année que nous fixerons comme présent dans la révolution d'un siècle, tout ce qu'il a devant s'est passé, tout ce qu'il a su est futur. Cent années ne saurait donc être présente. Mais voici du moins l'année actuelle est elle-même présente. Est-ce son premier mois qui court? Les autres sont à venir. Est-ce le second? Le premier est déjà passé. Le reste n'est pas encore. Ainsi l'année actuelle n'est pas tout entière présente, et, partant, ce n'est pas une année présente, car l'année, c'est 12 mois, dont chacun à son tour est présent, le reste, passé ou futur. Et le mois courant, même, n'est pas présent, mais un seul de ses jours. Est-il le premier? Le reste est dans l'avenir. Est-il le dernier? Le reste est dans le passé. Est-il intermédiaire? Il est entre ce qui n'est plus, et ce qui n'est pas encore. Voilà donc ce temps présent que nous avons trouvé le seul qu'on pût appeler long, le voilà réduit à peine à l'espace d'un jour. Et ce jour même, encore, discutons-le, non, ce seul jour n'est pas tout entier présent, car il s'accomplit en 24 heures, 12 de jour, 12 de nuit, dont la première précède, et la dernière suit toutes les autres. L'intermédiaire suit et précède. Et cette même heure se compose elle-même de parcelles fugitives. Tout ce qui s'en détache, s'envole dans le passé, ce qui en reste est à venir. Que si l'on conçoit un point dans le temps sans division possible de moment, c'est ce point-là seul qu'on peut nommer présent. Et ce point vole, rapide, de l'avenir au passé, dur et sans étendue, car s'il est étendu, il se divise en passé et avenir. Ainsi, le présent est sans étendue. Où donc est le temps que nous puissions appeler long? Est-ce l'avenir? Non, car il ne peut être long sans être. Nous disons donc, il sera long. Mais quand le sera-t-il? Non sans doute tant qu'il sera à venir, n'étant pas encore, pour être long. Que s'il ne doit être long qu'au moment où, de futur, il commencera d'être ce qu'il n'est pas encore, c'est-à-dire présent, ayant un être, et de quoi être long, n'oublions pas que le présent nous a crié à haute voix, « Non, je ne saurais être long. » Chapitre 16. Comment se mesure le temps? Et pourtant, Seigneur, nous apercevons bien les intervalles des temps, nous les comparons entre eux, et nous disons les uns plus longs, les autres plus courts, nous mesurons encore la différence, nous constatons qu'elle est double, triple, etc., où nous affirmons l'égalité. Mais notre aperception qui mesure les temps ne mesure que leur passage, car le passé, qui n'est plus, l'avenir, qui n'est pas encore, peuvent-ils se mesurer, à moins que l'on ne prétende que le néant soit mesurable? Ce n'est donc que dans sa fuite que le temps s'aperçoit et se mesure. Est-il passé? Il n'est point mesurable, car il n'est plus. Chapitre 17. Où est le passé? Où est l'avenir? Je cherche, ô Père, je n'affirme rien, mon Dieu, soyez l'arbitre et le guide de mes efforts. Qui oserait me dire qu'il n'existe pas trois temps, comme notre enfance l'a appris, comme nous l'enseignons à l'enfance? Le passé, le présent et l'avenir, mais que le présent seul existe, les deux autres n'étant point. Ou bien faut-il dire qu'ils sont, et que le temps sort d'une retraite inconnue, quand, de futur, il devient présent, et qu'il rentre dans une autre, également inconnue, quand, de présent, il devient passé? Car si l'avenir n'est pas encore, où donc l'ont vu ceux qui l'ont prédit? Ce qui n'est pas peut-il se voir? Et les narrateurs du passé seraient-ils vrais, si ce passé n'était visible à leur esprit? Et pourraient-ils se voir, l'un et l'autre, s'ils n'étaient que pur néant? Il faut donc que le passé et l'avenir aient un être. Chapitre 18. Comment le passé et l'avenir sont présents? Permettez-moi, Seigneur, de chercher encore. Ô mon espérance, éloignez le trouble de mes efforts. S'il est vrai que l'avenir et le passé soient, où sont-ils? Si cette connaissance est encore au-dessus de moi, je sais pourtant que, où qu'ils soient, ils n'y sont ni passés, ni futurs, mais présents. Le futur, comme tel, n'y est pas encore, le passé, comme tel, n'y est déjà plus. Où donc qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils ne sont qu'en tant que présents. Ainsi dans un récit véritable d'événements passés, la mémoire ne reproduit pas les réalités qui ne sont plus, mais les mots nés des images qu'elles ont laissées en passant par nos sens, comme les traces de leurs pas. Mon enfance évanouie est dans le passé, évanouie comme elle. Mais quand j'y pense, quand j'en parle, je revois son image dans le temps présent, parce qu'elle est encore dans ma mémoire. Est-ce ainsi que se prédit l'avenir? Est-ce en présence d'image? Mais s'agère de ce qui n'est pas encore? Mon Dieu, je confesse ici mon ignorance. Mais ce dont je suis certain, c'est que d'ordinaire nous préméditons nos actes futurs, que cette préméditation est présente, tandis que l'acte prémédité, en tant que futur, n'est pas encore. Notre préméditation commençant à se réaliser, l'acte sera, non plus à venir mais présent. Quel que soit donc ce secret pressentiment de l'avenir, on ne saurait voir que ce qui est. Or, ce qui est déjà, n'est point à venir, mais présent. Ainsi voit l'avenir, ce n'est pas voir ces réalités futures qui ne sont pas encore, mais peut-être les causes et les symptômes qui existent déjà, prémices de l'avenir déjà présentes au regard de la pensée qui le conçoit, et cette conception est déjà dans l'esprit, et elle est présente à la vision prophétique. Une preuve éloquente entre tant de témoignages. Je vois l'aurore et je prédis le lever du soleil. Ce que je vois est présent, ce que je prédis est futur, non pas le soleil qui est déjà, mais son lever qui n'est pas encore. Et si mon esprit ne se l'imaginait, comme au moment où j'en parle, cette prédiction serait impossible. Or, cette aurore, que je vois dans le ciel, n'est pas le lever du soleil, quoiqu'elle le devance, non plus que cette image que je vois dans mon esprit, mais leur présence coïncidente me fait augurer le phénomène futur. Ainsi, l'avenir n'est pas encore, donc il n'est pas, donc il ne peut se voir, mais il se peut prédire d'après des circonstances déjà présentes et visibles. Chapitre 19. De la prescience de l'avenir. Mais dites, monarque souverain de votre création, comment enseignez-vous aux âmes les événements futurs? Ne les avez-vous pas révélés à vos prophètes? Dites, comment enseignez-vous l'avenir, vous pour qui rien n'est à venir, Ou plutôt, comment enseignez-vous ce qui de l'avenir est déjà présent? Car le néant pourrait-il s'enseigner? C'est un secret, je le sens, supérieur à mon intelligence, faible par elle-même, ma vue n'y saurait atteindre. Psaume 128, 6. Mais vous serez sa force, si vous voulez, aux douces lumières des yeux de mon âme. Chapitre 20. Quel nom donner aux différences du temps? Or, ce qui devient évident et clair, c'est que le futur et le passé ne sont point, et, rigoureusement, on ne saurait admettre ces trois temps, passé, présent et futur, mais peut-être dira-t-on avec vérité, il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir. Car ce triple mode de présence existe dans l'esprit, je ne le vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'attention actuelle, le présent de l'avenir, c'est son attente. Si l'on m'accorde de l'entendre ainsi, je vois et je confesse trois temps, et que l'on dise encore, par un abus de l'usage, il y a trois temps, le passé, le présent et l'avenir, qu'on le dise, peu m'importe, je ne m'y oppose pas, j'y consens, pourvu qu'on entende ce qu'on dit, et que l'on ne pense point que l'avenir soit déjà, que le passé soit encore. Nous avons bien peu de locutions justes, beaucoup d'inexactes, mais on ne laisse pas d'en comprendre l'intention. Chapitre 21. Comment mesurer le temps? Nous mesurons le temps à son passage, et je dis plus haut, en sorte que nous pouvons affirmer qu'un temps est double d'un autre, ou égal à un autre, ou tel autre rapport que cette mesure exprime. Ainsi donc c'est à son passage que nous mesurons le temps. D'où le sais-tu dira-t-on peut-être? Je sais, répondrai-je, que nous le mesurons, que nous ne saurions mesurer ce qui n'est pas, et que le passé ou l'avenir n'est qu'un néant. Or, comment mesurons-nous le temps présent, puisqu'il est sans étendue? Il ne se mesure qu'à son passage, passé, il ne se mesure plus, car il n'est plus rien de mesurable. Mais d'où vient, par où passe, où va le temps, quand on le mesure? D'où, sinon de l'avenir? Par où, sinon par le présent? Où, sinon dans le passé? Sorti de ce qui n'est pas encore, il passe par l'inétendu pour arriver à ce qui n'est plus. Comment donc mesurer le temps, si ce n'est pas certains espaces? Ces distinctions des temps simples, doubles, triples ou égaux, qu'est-ce autre chose que des espaces de temps? Quel espace est donc, pour nous, la mesure du temps qui passe? Est-ce l'avenir d'où il vient? Mais mesure-t-on ce qui n'est pas encore? Est-ce le présent par où il passe? Mais l'inétendu se mesure-t-il? Est-ce le passé où il entre? Mais comment mesurer ce qui n'est plus? Chapitre 22. Il demande à Dieu la connaissance de ce mystère. Mon esprit brûle de connaître cette énigme profonde. Je vous en conjure, Seigneur mon Dieu, mon bon Père, je vous en conjure au nom du Christ, ne fermez pas à mon désir l'accès d'une question si ordinaire et si mystérieuse. Laissez-moi pénétrer dans ces replis, que la lumière de votre miséricorde les éclaire, Seigneur. À qui m'adresser, à quel autre confesser plus utilement mon ignorance qu'à vous, ô Dieu, qui ne désapprouvez pas le zèle ardent où m'emporte l'étude de vos écritures? Donnez-moi ce que j'aime, car j'aime, et vous m'avez donné d'aimer. Donnez-moi mon amour, au Père qui savait ne donner que de vrai bien à vos fils. Matthieu 7, 2. Donnez-moi de connaître cette, Vérité que je poursuis. C'est une porte fermée à tous mes labeurs, si vous ne l'ouvrez vous-même. Par le Christ, au nom du Saint des Saints, je vous en conjure, que nul ne me trouble ici. Je crois, et ma foi inspire ma parole, psaume 115, 1. J'espère et je ne vis qu'à l'espérance de contempler les délices du Seigneur. Et vous avez fait mes jours périssables, et ils passent, psaume 38, 6. Et comment je l'ignore. Et nous avons sans cesse à la bouche ces mots, époque et temps. Combien de temps a-t-il mis à ce discours, à cette œuvre? Qu'il y a longtemps que je n'ai vu cela. Et, cette syllabe longue est le double de temps de cette brève. Nous parlons et on nous parle tous les jours ainsi, nous comprenons et sommes compris. Rien de plus clair et de plus usité, rien en même temps de plus caché, rien, jusqu'ici, de plus impénétrable. Chapitre 23. Nature du temps. J'ai entendu dire à un savant que le temps, c'est le mouvement du soleil, de la lune et des astres. Je ne suis pas de cet avis, car, pourquoi le mouvement de tout autre corps ne serait-il pas le temps? Quoi le cours des astres demeurant suspendu, si la roue d'un potier continuait à tourner, n'y aurait-il plus de temps pour mesurer ses tours? Ne nous serait-il plus possible d'exprimer l'égalité de leurs intervalles ou la différence de leurs mouvements, si les vitesses sont différentes, et en énonçant ces rapports, ne serait-ce pas dans le temps que nous parlerions? N'y aurait-il dans nos paroles ni longues, ni brèves? Et comment les reconnaître, sinon à l'inégale durée de leur son? Ô Dieu, accordé à l'homme de trouver en un point la lumière qui lui découvre toute grandeur et toute petitesse. Il est, je le sais, des astres et des flambeaux célestes qui mesurent les saisons, les temps, les années et les jours. Genèse 1, 14. C'est une vérité, et je ne prétendrai jamais que le mouvement de cette roue du potier fut notre jour, sans lui refuser toutefois d'être un temps, n'en déplaise à ce philosophe. Ce que je veux savoir, moi, c'est la puissance et la nature du temps, qui nous sert de mesure au mouvement des corps, et nous permet de dire, par exemple, tel mouvement dure une fois plus que tel autre, car enfin le jour n'est pas seulement la présence rapide du soleil sur l'horizon, mais encore le cercle qu'il décrit de l'Orient à l'Orient, et qui règle le nombre des jours écoulés, les nuits même comprises, dont le compte n'est jamais séparé. Ainsi le jour n'étant accompli que par le mouvement du soleil et sa révolution d'Orient en Orient, est-ce le mouvement, est-ce la durée du mouvement, est-ce l'un et l'autre ensemble qui forment le jour? Est-ce le mouvement? Alors, une heure serait le jour, si cet espace de temps suffisait au soleil pour achever sa carrière. Est-ce le jour entier? Alors il n'y aurait point de jour si, d'un lever à l'autre, il ne s'écoulait pas plus d'une heure, et s'il fallait 24 révolutions solaires pour former le jour. Est-ce à la fois le mouvement et le temps? Alors le soleil accomplirait son tour en une heure, et, supposé qu'il s'arrêtât, le même intervalle que sa course mesure d'un matin à l'autre se serait écoulé, qu'il n'y aurait pas eu de véritable jour. Ainsi, je ne me demande plus, qu'est-ce qu'on nomme le jour, mais qu'est-ce que le temps? Ce temps, mesure du mouvement solaire, que nous dirions moindre de moitié, si 12 heures avaient suffi au parcours de l'espace accoutumé. En comparant cette différence de temps, ne dirions-nous pas que l'un est double de l'autre, lors même que la course du soleil d'Orient en Orient serait tantôt plus longue, tantôt plus courte de moitié? Qu'on ne vienne donc plus me dire, le temps, c'est le mouvement des corps célestes. Quand le soleil s'arrêta à la prière d'un homme, Josué 10, 13, pour lui laisser le loisir d'achever sa victoire, le temps s'arrêta-t-il avec le soleil? Et n'est-ce point dans l'espace de temps nécessaire que le combat se continua et finit? Je vois donc enfin que le temps est une sorte d'étendue. Mais n'est-ce pas une illusion? Suis-je bien certain de le voir? Ô vérité, ô lumière, éclairez-moi. Chapitre 24. Le temps est-il la mesure du mouvement? Si l'on me dit, le temps, c'est le mouvement des corps, m'ordonnez-vous de le croire? Non, vous ne l'ordonnez pas. Nul corps ne saurait se mouvoir que dans le temps. Vous le dites, et je l'entends, mais que ce mouvement soit le temps, c'est ce que je n'entends pas, ce n'est pas vous qui le dites. Lorsqu'en effet un corps se meut, c'est par le temps que je mesure la durée de ce mouvement, depuis son origine jusqu'à sa fin. Si je ne l'ai pas vu commencer, et si sa durée ne me permet pas de le voir finir, il n'est point en ma puissance de le mesurer, si ce n'est peut-être du moment où j'ai commencé à celui où j'ai cessé de le voir. Si je l'ai vu longtemps, j'affirme la longueur du temps sans la déterminer, car cette détermination suppose un rapport de différence ou d'égalité. Si, supposé un mouvement circulaire, nous pouvions remarquer le point de l'espace où prend sa course et où la termine le corps mobile, ou l'une de ses parties, nous pourrions dire en combien de temps s'est accompli de tel point à tel autre, le mouvement de ce corps ou de l'une de ses parties. Ainsi le mouvement d'un corps étant distinct de la mesure de sa durée, peut-on chercher encore à qui appartient le nom de temps? Souvent ce corps se meut d'un mouvement inégal, souvent il demeure en repos, et le temps n'est pas moins la mesure de son repos que de son mouvement. Et nous disons, son immobilité a duré autant, deux ou trois fois plus, deux ou trois fois moins que son mouvement, et, nous le disons, d'après une mesure exacte ou approximative. Donc le mouvement des corps n'est pas le temps. Chapitre 25. Allumez ma lampe, Seigneur, éclairez mes ténèbres. Et je vous le confesse, Seigneur, j'ignore encore ce que c'est que le temps, et pourtant, Seigneur, je vous le confesse aussi. Je n'ignore point que c'est dans le temps que je parle, et qu'il y a déjà longtemps que je parle du temps, et que ce longtemps est une certaine teneur de durée. Et comment donc puis-je le savoir, ignorant ce que c'est que le temps? Ne serait-ce point que je ne sais peut-être comment exprimer ce que je sais? Malheureux que je suis, j'ignore même ce que j'ignore. Mais vous êtes témoin, Seigneur, que le mensonge est loin de moi. Mon cœur est comme ma parole, allumez ma lampe, Seigneur mon Dieu, éclairez mes ténèbres. Psaume 17, 25. Chapitre 26. Le temps n'est pas la mesure du temps. Mon âme ne vous fait-elle pas un aveu sincère quand elle déclare en votre présence qu'elle mesure le temps? Est-il donc vrai, mon Dieu, que je le mesure, sans connaître ce que je mesure? Je mesure le mouvement des corps par le temps, et le temps lui-même, ne saurais-je le mesurer? Et me serait-il possible de mesurer la durée et l'étendue d'un mouvement, sans mesurer le temps où il s'accomplit? Mais sur quelle mesure puis-je apprécier le temps même? Un temps plus long est-il la mesure d'un plus court, comme la coudée est la mesure d'une solive, comme une syllabe longue nous paraît être la mesure d'une brève, quand nous disons que l'une est double de l'autre, comme la longueur d'un poème s'évalue sur la longueur des vers, la longueur des vers sur celle des pieds, la longueur des pieds sur celle des syllabes, et les syllabes longues sur les brèves, évaluation qui ne repose pas sur l'étendue des pages, car elle serait alors mesure d'espace, et non plus mesure de temps. Mais lorsque les paroles passent, en les prononçant, nous disons « Ce poème est long, il se compose de tant de vers, ses vers sont longs, ils se tiennent sur tant de pieds, ses pieds sont longs, ils renferment tant de syllabes, cette syllabe est longue, car elle est double d'une brève. » Toutefois, ce n'est pas encore là une mesure certaine du temps, car un vers plus court prononcé lentement peut avoir plus de durée qu'un long débité plus vite, ainsi d'un poème, d'un pied, d'une syllabe. D'où j'infère que le temps n'est qu'une étendue. Mais quelle est la substance de cette étendue? Je l'ignore. Et ne serait-ce pas mon esprit même? Car, ô mon Dieu, qu'est-ce que je mesure, quand je dis indéfiniment, tel temps est plus long que tel autre, ou définiment ce temps est double de celui-là? C'est bien le temps que je mesure, j'en suis certain, mais ce n'est point l'avenir, qui n'est pas encore, ce n'est point le présent, qui est inétendu, ce n'est point le passé, qui n'est plus. Qu'est-ce donc que je mesure? Je l'ai dit, ce n'est point le temps passé, c'est le passage du temps. Chapitre 27. Comment nous mesurons le temps? Courage, mon esprit, redouble d'attention et d'effort. Dieu est notre aide. Nous sommes son ouvrage et non pas le nôtre. Psaume 99, 3. Attention où l'aube de la vérité commence à poindre. Une voix corporelle se fait entendre, le son continue, et puis il cesse. Et voilà le silence, et la voix est passée, et il n'y a plus rien. Avant le son elle était à venir, et ne pouvait se mesurer, n'étant pas encore, elle ne le peut plus, n'étant plus. Elle le pouvait donc, quand elle vibrait, puisqu'elle était, sans stabilité, toutefois, car elle venait et passait. Et n'est-ce point cette instabilité même qui la rendait mesurable? Son passage ne lui donnait-il pas une étendue dans certains espaces de temps, qui formait sa mesure, le présent étant sans espace? S'il en est ainsi, écoute, voici une nouvelle voix. Elle commence, se soutient et continue sans interruption. Mesurons-la. Pendant qu'elle se fait entendre, le son expiré, elle sera passée, elle ne sera plus. Mesurons-la donc, évaluons son étendue. Mais elle dure encore, et sa mesure ne peut se prendre que de son commencement à sa fin, car c'est l'intervalle même de ces deux termes, quel qu'il soit, que nous mesurons. Ainsi, la voix qui dure encore n'est pas mesurable. Peut-on apprécier son étendue, sa différence ou son égalité avec une autre? Et, quand elle aura cessé de vibrer, elle aura cessé d'être. Comment donc la mesurer? Toutefois le temps se mesure, mais ce n'est ni celui qui doit être, ni celui qui n'en est déjà plus, ni celui qui est sans étendue, ni celui qui est sans limite, ce n'est donc ni le temps à venir, ni le passé, ni le temps présent, ni celui qui passe que nous mesurons, et toutefois nous mesurons le temps. Ce vers, Deus Creator Omnium, est de 8 syllabes, alternativement brèves et longues, 4 brèves, la première, la troisième, la cinquième et la septième, simple par rapport aux secondes, quatrième, sixième et huitième, qui durent le double de temps. Je le sens bien en les prononçant. Et il en est ainsi, au rapport de l'évidence sensible. Autant que j'en puis croire ce témoignage, je mesure une longue par une brève, et je la sens double de celle-ci. Mais elles ne résonnent que l'une après l'autre, et si la brève précède la longue, comment retenir la brève pour l'appliquer comme mesure à la longue, puisque la longue ne commence que lorsque la brève a fini? Et cette longue même, je ne la mesure pas tant qu'elle est présente, puisque je ne saurais la mesurer avant sa fin. Cette fin, c'est sa fuite. Qu'est-ce donc que je mesure où est la brève, qui mesure où est la longue, à mesurer? Leurs sont rendues, envolées, passées toutes deux, et elles ne sont plus et pourtant je les mesure, et je réponds hardiment, sur la foi de mes sens, que l'une est simple, l'autre double en durée, ce que je ne puis assurer, qu'elle ne soit passée et finie. Ce n'est donc pas elle que je mesure, puisqu'elles ne sont plus, mais quelque chose qui demeure dans ma mémoire, profondément imprimé. C'est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. Ne laisse pas bourdonner à ton oreille. Comment et ne laisse pas bourdonner autour de toi l'essaim de tes impressions. Oui, c'est en toi que je mesure l'impression qui laisse les réalités qui passent. Impressions survivantes à leur passage. Elle seule demeure présente, je la mesure, et non les objets qui l'ont fait naître par leur passage. C'est elle que je mesure quand je mesure le temps, donc, le temps n'est autre chose que cette impression, où il échappe à ma mesure. Mais quoi, ne mesurons-nous pas le silence? Ne disons-nous pas, ce silence a autant de durée que cette parole? Et notre pensée ne se représente-t-elle pas alors la durée du son, comme s'il régnait encore? Et cet espace ne lui sert-il pas de mesure pour calculer l'étendue silencieuse? Ainsi, la voix et les lèvres muettes, nous récitons intérieurement des poèmes, des vers, des discours, quel qu'en soit le mouvement et les proportions, et nous apprécions la durée, le rapport successif des mots, des syllabes, comme si notre bouche en articulait le son. Je veux soutenir le ton de ma voix, la durée préméditée de mes paroles est un espace, déjà franchi en silence, et confié à la garde de ma mémoire. Je commence. Ma voix résonne jusqu'à ce qu'elle arrive au but déterminé. Que dis-je, elle a résonné, et résonnera, ce qui s'est écoulé d'elle, son évanoui, le reste, son futur. Et la durée s'accomplit par l'action présente de l'esprit, poussant l'avenir au passé, qui grossit du déchet de l'avenir, jusqu'au moment où, l'avenir étant épuisé, tout n'est plus que passé. Chapitre 28. L'esprit et la mesure du temps. Mais qu'est-ce donc que la diminution ou l'épuisement de l'avenir qui n'est pas encore? Qu'est-ce que l'accroissement du passé qui n'est plus, si ce n'est que dans l'esprit, où cet effet s'opère, il se rencontre trois termes: l'attente, la tension et le souvenir. L'objet de l'attente passe par l'attention, pour tourner en souvenir. L'avenir n'est pas encore, qui le nie pourtant son attente est déjà dans notre esprit. Le passé n'est plus, qui en doute et pourtant son souvenir est encore dans notre esprit. Le présent est sans étendue, il n'est qu'un point fugitif, qui l'ignore et pourtant l'attention est durable, elle par qui doit passer ce qui court à l'absence. Ainsi, ce n'est pas le temps à venir, le temps absent, ce n'est pas le temps passé, le temps évanoui qui est long, un long avenir, c'est une longue attente de l'avenir, un long passé, c'est un long souvenir du passé. Je veux réciter un cantique, je l'ai retenu. Avant de commencer, c'est une attente intérieure qui s'étend à l'ensemble. Et je commençais tout ce qui accroît successivement au pécule du passé entre domaines de ma mémoire, Alors, toute la vie de ma pensée n'est que mémoire, par rapport à ce que j'ai dit, qu'attente, par rapport à ce qui me reste à dire. Et pourtant mon attention reste présente, elle qui précipite ce qui n'est pas encore à n'être déjà plus. Et, à mesure que je continue ce récit, l'attente s'abrège, le souvenir s'étend jusqu'au moment où l'attente étant toute consommée, mon attention sera tout entière passée dans ma mémoire. Et il en est ainsi, non seulement du cantique lui-même, mais de chacune de ses parties, de chacune de ses syllabes, ainsi d'une hymne plus longue, dont ce cantique n'est peut-être qu'un verset, ainsi de la vie entière de l'homme, dont les actions de l'homme sont autant de parties, ainsi de cette mer des générations humaines, dont chaque vie est un flot. Chapitre 29. De l'union avec Dieu. Mais votre miséricorde vaut mieux que toutes les vies, Psaume 62, 4. Et toute ma vie à moi n'est qu'une dissipation, et votre main m'a rassemblé en mon Seigneur, Fils de l'homme, médiateur en votre unité et nous, multitude, multiplicité et division, afin qu'en lui j'appréhende celui qui m'a appréhendé par lui, et que ralliant mon être dissipé aux caprices de mes anciens jours, je demeure à la suite de votre unité, sans souvenance de ce qui n'est plus, sans aspiration inquiète vers ce qui doit venir et passer, mais recueilli dans l'immutabilité toujours présente, et ravi par un être et sans distraction à la poursuite de cette palme que votre voix me promet dans la gloire. Philippiens 3, 12, 13, 14, où j'entendrai l'hymne de vos louanges, où je contemplerai votre joie sans avenir et sans passé. Maintenant mes années s'écoulent dans les gémissements. Psaume 30, 2. Et vous, ô ma consolation, ô Seigneur, ô mon Père, vous êtes éternel. Et moi je suis devenu la proie des temps, dont l'ordre m'est inconnu, et ils m'ont partagé, et les tourments de la vicissitude déchirent mes pensées, ces entrailles de mon âme, tant que le jour n'est pas venu où, purifié de mes souillures et fondu au feu de votre amour, je m'écoulerai tout en vous. Chapitre 30. Point de temps sans œuvre. Et alors en vous, dans votre vérité, type de mon être, je serai ferme et stable, et je n'aurai plus à essuyer les questions des hommes, frappés, par la déchéance, de cette hydropisie de curiosité qui demande « Que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ?» ou « Comment lui est venue la pensée de faire quelque chose, puisqu'il n'avait jamais rien fait jusque-là » Inspirez-leur, ô mon Dieu, des pensées meilleures que leurs paroles. Qu'ils reconnaissent que jamais ne saurait être où le temps n'est pas. Ainsi dire qu'on n'a jamais rien fait, n'est-ce pas dire que rien ne se fait que dans le temps? Homme, concevez donc qu'il ne peut y avoir de temps sans œuvre, et voyez l'inanité de votre langage. Qu'ils fixent leur attention, Seigneur, sur ce qui demeure présent devant eux. Philippiens 3, 13. Qu'ils comprennent que vous êtes avant tous les temps, Créateur éternel de tous les temps, que vous n'admettez au partage de votre éternité aucun temps, aucune créature, en fût-il une qui eût devancé les temps. Chapitre 31. Dieu connaît autrement que les hommes. Ô Seigneur, ô mon Dieu, combien est profond l'abîme de votre secret. Combien les tristes suites de mon iniquité m'en ont jeté loin. Guérissez mes yeux, qu'ils s'ouvrent à la joie de votre lumière. Certes, s'il était un esprit assez grand, assez étendu en science et en préscience, pour avoir du passé et de l'avenir une connaissance aussi présente que l'est à ma pensée celle de ce cantique, notre admiration pour lui ne tiendrait, Elle pas de l'épouvante? Rien, en effet, rien qui lui fût inconnu dans la vicissitude des siècles, passés ou à venir, tout serait sous son regard, comme ce cantique, que je chante, est tout entier devant moi, car je sais ce qu'il s'en est écoulé de versets depuis le commencement, et ce qu'il en reste à courir jusqu'à la fin. Mais loin de moi la pensée d'assimiler une telle connaissance à la vôtre, au Créateur du monde, Créateur des âmes et des corps. Loin de moi cette pensée. Votre science du passé et de l'avenir est bien autrement admirable et cachée. Le cantique que je chante ou que j'entends chanter m'affecte de sentiments divers, ma pensée se partage en attente des paroles futures, en souvenir des paroles expirées, mais rien de tel ne survient dans votre immuable éternité. C'est que vous êtes vraiment éternel, ô Créateur des esprits. Vous avez connu dès le principe le ciel et la terre, sans succession de connaissances, et vous avez créé dès le principe le ciel et la terre sans division d'action. Que l'esprit ouvert, que l'esprit fermé à l'intelligence de ses pensées confesse votre nom. Ô que vous êtes grand et les humbles sont votre famille. Vous les relevez de la poussière, psaume 145, 8, et ils n'ont plus de chute à craindre, car vous êtes leur élévation. Marc Emdan, archive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.